ADA Audio présente L'enfant intérieur de Laurent de Backer. À la narration Laurent de Backer, musique, réalisation et enregistrement Louis Lachance. Depuis un certain nombre d'années, bien des auteurs nous ont parlé de multiples techniques et secrets pour parvenir à ce que nous désirons le plus dans la vie. Que ce soit l'amour sincère et durable, un travail épanouissant, le bien-être, la santé, le confort matériel. Alors vous avez essayé toutes ces recettes assez simples que l'on mettait à votre disposition. En changeant votre façon de penser, en vous orientant sur des sentiments d'amour, en méditant, en ayant la foi. Et pourtant, malgré vos efforts, vous n'avez récolté que quelques maigres résultats, voire aucun. Attention, je ne critique vraiment pas ces techniques auxquelles j'adhère le plus souvent. Mais alors, pourquoi ces échecs? À cause de vos programmations intérieures. Il est scientifiquement prouvé que notre cerveau est un super ordinateur, le plus puissant qui existe dans notre monde. Et comme tout ordinateur, pour fonctionner, il est obligé d'être programmé. Cette programmation ne se fait pas n'importe comment et à n'importe quel moment. Elle se produit lorsque nous avons entre 0 et 12 ans. Après, c'est comme si nous appuyions sur la touche Enter de notre clavier personnel afin que notre programme interne se mette en marche. C'est ainsi que nous revivons systématiquement les mêmes scénarios, dans des contextes différents, certes, mais relativement identiques à ceux de notre enfance et menant toujours au même résultat, parce que nous avons été formatés pour qu'il en soit ainsi. Elles sont le fruit de ce que vous avez vécu dans votre enfance. En fonction de vos parents, de votre cercle familial, amical, de votre routine, des enseignements que vous avez reçus, vous avez modélisé votre mode de fonctionnement sur l'exemple des personnes qui vous entouraient et sur ce qu'elles vous ont dit de vous-même. Bref, tout ce qui a composé votre quotidien à cet âge-là et que vous avez validé une bonne fois pour toutes en le considérant comme vrai ad vitam aeternam, confondant ainsi votre représentation du monde avec le monde réel, en bien comme en mal. Certains d'entre vous ont peut-être eu la chance d'acquérir des programmations positives pour tous les domaines de la vie. Ces personnes font sans doute partie des gens desquels on dit « il a vraiment tout pour être heureux, tout lui réussit ». Mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Loin de là. Ainsi, si enfant vous avez entendu régulièrement que vous étiez né pour un petit pain ou que l'argent est difficile à gagner, il y a des chances pour que vos finances ne se portent pas bien. Et inconsciemment, vous faites tout pour, même si cela vous semble incroyable. Car tout ce que veut votre mental, c'est vous faire vivre des situations vous prouvant que vos programmations sont justes et que vous avez raison de les posséder, même si à chaque fois, elles vous mènent à des désagréments. Et vous n'aurez jamais ni plus ni moins que ce pour quoi vous êtes programmé depuis toujours. Pour reprendre cette même image, vous ne pouvez pas demander à un logiciel de traitement de texte de retoucher des photos. De même, vous ne pouvez pas faire de traitement de texte avec un logiciel de retouche de photos, car ils ne sont pas programmés pour. On le pourrait sans problème. Mais pour cela, il faudrait retourner dans leur code informatique et modifier ce qui doit l'être pour que cela devienne possible. Eh bien, c'est ce que je vous propose de réaliser au travers de cet enregistrement. Vous faire remonter le temps à l'époque durant laquelle vous avez acquis ces programmations qui ne vous conviennent pas et de les changer, de manière à ce que vous viviez enfin l'existence que vous désirez profondément et que l'on dise de vous aussi « il a vraiment tout pour être heureux, tout lui réussit ».